J'ai toujours fui les conversations, les foules de mots, la communication. Quand tu parles, je m'ennuie, je regarde par la fenêtre. J'attends qu'il y ait du soleil, j'attends que tu aies fini. Je rêve de quelque chose de joli, quelque chose que tu n'as pas vu. Je t'ai toujours regardé avec attention. Je t'ai même aimé en mode avion. Quand tu parles, je m'ennuie, je regarde par la fenêtre. J'attends qu'il y ait du soleil, j'attends que tu aies fini. Je rêve de quelque chose de joli, quelque chose que tu n'as pas vu. À un moment, je n'écoute plus. J'entends des mots qui me baissent et je somnole dans les rayons d'un soleil dans un ciel compatissant. À un moment, je vais mourir. Je garderai l'écho incessant de ta voix qui toujours transpire, du vide et de l'éternité. Quand tu parles, je m'ennuie, je regarde par la fenêtre. J'attends qu'il y ait du soleil, j'attends que tu aies fini. Je rêve de quelque chose de joli, quelque chose.